force divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que faire-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin. Allons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie cet après-midi. Parce que le Dieu du tournant décisif est en action. Et je crois fermement que nous marchons avec le Seigneur vers des exploits. Et vers des succès qui vont étonner le monde. Lorsque Dieu parle, c'est une promesse. Et lorsqu'il donne une promesse, il prend en charge cette promesse-là. Lorsqu'il a dit que nous devons réussir, c'est qu'il prend en charge cette parole-là. Alléluia. Amen. Je vous transmets alors les salutations de nos membres de notre cellule de prière à Bangui. Pokeni salamu za ndugu zetu wa shirika la Bangui. Nous sommes, merci beaucoup. Nous sommes actuellement une équipe de 11 personnes. Leo, tuko wa tukumi na moja. Et certains d'entre eux suivent même nos programmes ici sur les réseaux sociaux. Wamoja miongoni wao wanafuata mkutano wetu katika réseaux sociaux. Et ils sont beaucoup plus édifiés par ce que nous faisons ici à Goma. Na wanajengwa na yale tunafanya hapa Goma. Une fois de plus, beaucoup de courage pour notre équipe de médias pour le Zaidi, travail qu'ils font. Nasema pongera kwa media. Nous allons achever notre programme de formation sur le discipulat et le leadership chrétien que nous avons commencé avec ces 11 personnes. Tutakomesha mafundisho yetu ya wafuasi na ya uongozi ambao tulianza pamoja na hao wandugu. En décembre 2017, avec le pasteur Crispin, nous avons réuni ces bien-aimés et nous avons commencé à les former sur le discipulat. Itakuwa kwa mwezi wa 12 ambapo mimi na mchungaji Crispin tulianza hiyo mafundisho. Et la dernière séance est prévue le 30 juin, le samedi 30 juin. Na mafundisho ya mwisho itakuwa siku ya sita tarehe 13 ya mwezi wa sita. Et nous avons déjà une équipe de 25 personnes qui sont prêtes pour suivre la même formation pendant 6 mois. Tunakuwa na kundi ya watu 25 ambao wako tayari kwa kuanza hiyo mafundisho. Et c'est le noyau avec lequel nous comptons faire le travail de Dieu dans cette ville. Lorsque vous priez pour les différentes missions, n'hésitez pas et ne cessez pas de prier pour cette ville également. Amen. Amen. Je bénis aussi le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée ce soir de parler. Nashukuru Mungu kwa ajili ya neema amenipatia kwa kuweza kuwazungumzia. Et apporter ma contribution à ce grand chantier qui est en construction. Na kuleta sehemu yangu kwa shamba hii kubwa inayojengwa hapa. Le chantier dont je parle, c'est l'église de Dieu. Jengo nalongelea inakuwa kanisa la Mungu. L'église de Dieu, c'est toi et moi, le peuple que le Seigneur a prévu d'établir au milieu des nations. Kanisa ni wewe na mimi ambao Bwana ameamua kuweka miongoni mwa mataifa. Et lorsque vous regardez avec les lunettes spirituelles, mukiona na makalashi ya kiroho, vous pouvez réellement vous rendre compte que Dieu est en train de nous façonner pour la hauteur. Mutatambua kama Bwana ako na tutengeneza kwa ajili ya ukubwa. Les défis de notre génération sont énormes. Matatizo ya kizazi chetu ni mengi. Et ça exige absolument des hommes et des femmes préparés et équipés pour faire face à ces défis. Inahitajika watu waliotengenezwa na kuvikwa kwa kuweza kupiganisha hiyo magumu. Je me rappelle toujours d'une phrase que notre papa a souvent rappelé. Nakumbuka msemo mmoja baba anakuwa akisema. Il a toujours dit, lorsque Dieu m'a appelé, il a dit, je t'envoie. Anasema wakati Mungu alimuita, alisema ninakutuma. Pour que tu puisses bâtir un peuple pour moi. Ili kwamba ujenge kwa ajili yangu taifa. En d'autres termes, je t'envoie pour équiper des hommes et des femmes. Inamaanisha nakutuma kwa ajili ya kujaza watu. Qui vont porter mon nom. et qui vont être la lumière des nations. Toi et moi, notre destination, c'est être la lumière des nations. Et cette mission, elle est grande. C'est en même temps une grande responsabilité. Et ce soir, je suis fier de faire partie de ce peuple. Et je t'encourage à être fier de ce peuple fort que Dieu est en train de bâtir. Parce que nous avons un avenir avec le Seigneur. Et le Dieu que nous servons, il n'échoue jamais. Et comme il n'échoue jamais, nous sommes condamnés à réussir. Alléluia. Amen. Lorsque je vois les hauts et les bas par lesquels nous sommes tous passés, je peux dire avec assurance, nous avons un avenir meilleur avec Dieu. Je préfère mieux le dire que tu as un avenir meilleur avec le Seigneur. Il y a des lendemains appréciables devant nous. Notre avenir est rassuré. Avec Dieu, mon avenir est assuré. Quelles que soient les circonstances actuelles, quelle que soit l'adversité que je peux rencontrer, avec le Seigneur, mon avenir est assuré. Le peuple que Dieu met en marche doit réussir. Alléluia. Amen. Nous sommes devant l'autel de Dieu. J'aimerais mieux dire que nous sommes le sacrifice sur l'autel de Dieu même. Et quelqu'un qui veut t'attaquer, il doit venir t'arracher sur l'autel. Alors il a affaire avec Dieu qui est en train de prendre plaisir de ce sacrifice. Alors c'est lui qui a du courage qu'il puisse oser te toucher. Parce que l'autel de l'Éternel est toujours celui qui réussit. Le pasteur Christophe a parlé des batailles des autels. Mais la bonne nouvelle, c'était que l'autel de Dieu réussit toujours. J'aime cette bonne parole au sujet d'Israël. Vous pouvez trouver cette bonne parole dans Psaume chapitre 105. Zaburi 105. Et à partir du verset 13, vous pouvez lire 13, 14, 15. La Bible déclare, Israël était un peuple peu nombreux. Ils étaient peu nombreux même. Et la Bible déclare, ils allaient des lieux d'une nation vers une autre. Ils ont traversé des peuples. Comme pour dire, pour aller vers la destination, il y avait une marche. Mais la Bible déclare, l'Éternel ne permit à personne de les opprimer. Il a même châtié des rois. Le peuple d'Israël était dans le programme de Dieu. Était dans le calendrier de Dieu. Parce que lorsque vous lisez dans Ésaïe 43:21, Dieu disait au sujet d'Israël, il dit, je me suis formé un peuple. Un peuple qui publiera mes louanges. Dans d'autres versions, il est même dit, surtout quand vous lisez la version d'Arbi, il dit, j'ai formé ce peuple pour moi-même. Donc ce peuple qui était dans le calendrier de Dieu, ce peuple qui était dans le programme de Dieu, ce peuple qui marchait pour aller publier les louanges de Dieu, était pris en charge par le Seigneur, était sécurisé par Dieu. Ce qui fait que lorsque tu es dans le programme de Dieu, lorsque tu es dans le calendrier de Dieu, lorsque tu es dans le répertoire divin, quiconque ose te toucher, il est en train de vouloir toucher à celui qui t'a envoyé. La bonne nouvelle cet après-midi, c'est que toi et moi, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu es sensible à l'appel de Dieu et que tu as reconnu ton nom divin, unajua jina yako ya kimungu. Tu es intégré dans ton identité. Uko ndani ya anwani yako. Quiconque ose te toucher. Yoyote anapima kukugusa. Quiconque ose toucher à ce qui t'appartient. Anayegusa iliyo yako. Il a affaire avec le Seigneur. Anashida na Mungu. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, il châtia même de rois à cause d'eux. Biblia nasema alipiga wafalme kwa ajili ya Israeli. Certains doivent être châtiés à cause de toi. Kuna watu watapigwa fimbo kwa ajili yako. Il ne s'agira pas de ta volonté. Haitakuwa kutikana na matakwa yako. Mais il s'agira d'une prise en charge qui t'environne. Lakini itakuwa ni mbingu zinakusapoti. Et tu n'as pas besoin d'avoir pitié, il s'agira de la prise en charge de Dieu autour de toi. Usikisikie huruma ya wale watu, ni Mungu anapiga vita juu yako. Lorsque le pasteur parlait la première semaine du nom divin, mchungaji alipokuwa anaongelea kuhusu jina za kimungu, il a dit il y a une sécurité spéciale qui entoure les hommes et les femmes appelés. Alisema pana ukingo wa kipekee inakinga inachunga wale walioitwa na Mungu. Et c'est cette sécurité spéciale qui accompagnait Israël. Na ni hiyo ukingo ya kipekee ililinda Israeli. Et quiconque voulait les toucher, yoyote ambaye alitamani kunyosha mkono juu yao, il rencontrait Dieu sur leur chemin. Alikuwa akimkuta Mungu kwenye njia yake. Alors cet après-midi, sasa mchana wa leo, je vais commencer à parler d'un sujet. Nitaongelea mada qui est en rapport avec ce que Dieu a dit d'Israël. Ambao inahusika na yale Mungu ameambia Israeli. Il a dit que ce peuple publiera mes louanges. Alisema hii taifa litabeba sifa zangu. Ce peuple démontrera ce que je suis capable de faire. Hii taifa itaonesha nini ninaweza nikafanya. Autrement, à travers eux, je vais confondre certains orgueils dans cette génération. Inamaanisha kupitia wao nitachanganisha walio na kiburi katika kizazi hiki. Et lorsque vous lisez dans 1 Pierre chapitre 2, na ukisoma Petro wa kwanza sura yake ya pili, le verset 9e, mustari wa 9, c'est exactement la même chose qui a été dit de l'église à notre temps. Ni hiyo hiyo imesemeka kwa ajili ya kanisa leo. À ce temps, l'apôtre écrivait, il disait, mtume aliandika akisema, vous au contraire, vous êtes une race élue. Nini ni watu waliochaguliwa. Vous êtes un sacerdoce royal. Munakuwa wakuhani wa kifalme. Une nation sainte. Taifa takatifu. Dans d'autres versions, une nation mise à part. Taifa lililowekwa kando. Une nation, un peuple retiré. Taifa iliyoshikwa pembeni. L'église s'agit d'un peuple établi au milieu des nations. Kanisa ni taifa ambalo limewekwa miongoni mwa mataifa. Et l'apôtre continue à dire un peuple acquis. Taifa ambalo Mungu amejikamatia. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Ili kwamba mutangaze kweli ya yule aliyewaita. Des ténèbres à son admirable lumière. Kutoka giza kwa nuru yake safi. Annoncez les vertus de celui qui nous a appelé. Tangazeni haki kweli za yule aliyetuita. Peut être compris d'une autre façon aussi. Inaweza kueleweka kwa namna nyingine. Lorsque Pierre est en train de dire nous avons été appelés pour annoncer les vertus de Dieu, wakati Petro anasema tumeitwa kwa ajili ya kutangaza kweli za Mungu, il est autrement en train de dire ceci. Inamaanisha hivi. Nous avons été appelés pour annoncer et démontrer l'excellence de Jésus de Dieu. Tumeitwa kwa ajili ya kuonesha kutangaza ukubwa wa Mungu. Les vertus peuvent être remplacées par la bonté de Dieu. Uwema kweli hiyo inaweza kusemekwa vile vile kama jinsi wema wa Mungu. C'est autrement annoncer la grandeur de Dieu. Inamaanisha kutangaza ukubwa wa Mungu. Annoncer la puissance de celui qui nous a amené appelé. Kutangaza nguvu ya yule aliyetuita. Annoncer démontrer la gloire de celui qui nous a appelé. Kuonesha utukufu ya yule aliyetuita. Publier les louanges de Dieu. Kutangaza sifa za Mungu. Que par ta vie des louanges soient rendues à Dieu. Na kupitia wewe sifa zionekane za Mungu. Et de manière concrète, na kwa kweli, ça veut signifier que tout ce qui est attaché à l'église, inamaanisha yote inaambatana na kanisa, tout ce qui est attaché à un enfant de Dieu, yote inaambatana na mtoto wa Mungu, doit annoncer et publier la grandeur de Dieu. Inabidi itangaze ukubwa wa Mungu. Ce que le Seigneur fait avec toi et pour toi et par toi, yote ambayo Mungu anafanya pamoja nawe kwa ajili yao na yako na kupitia wewe, doit arracher la louange de la bouche de ceux qui vivent dans ta génération. Inabidi ilete sifa miongoni mwa wale wanaoishi kando yako. Ce que tu es, est-ce que tu fais? Ile ambao uko na yote ambao unafanya doit attirer les hommes et les femmes à Dieu. Yabidi ivutie watu kwa Mungu. C'est pourquoi j'aimerais lire encore un autre texte avec vous. Ndio maana nitasoma ingine usome na ninyi. Vous pouvez le noter et le revoir même à la maison. Munaweza kuandika na kuona nyumbani. Dans Ésaïe chapitre 2. Isaïe sura ya pili. Le verset 2e et 3e. Mustari wa pili na wa tatu. Dans la dimension prophétique, ndani ya hali za kinabii, cet homme il a vu l'église dans notre temps. Il a vu la beauté de l'évangile. Il a vu la beauté et la puissance de l'évangile. C'est comme ça qu'il a décrit l'église à la fin des temps et dans notre génération. Il a dit, des temps vont arriver. Une époque va arriver. Muta fulani utafika. Et ce sera par l'œuvre de Dieu lui-même. Itakuwa kwa ajili ya kazi ya Mungu mwenyewe. Où Dieu placera l'église au sommet. Mungu ataweka kanisa juu. Et l'église sera placée au sommet. Kanisa litakuwa juu. La Bible déclare. Na Biblia inasema. Des nations viendront en masse. Mataifa watakuja wengi. Des foules viendront. Makundi zitakuja. Ils diront, nous avons vu ce que Dieu est en train de faire avec vous. Watasema tumeona yale Mungu anafanya pamoja nanyi. Allons à la maison de l'Éternel. Tuende kwenye nyumba ya Mungu. Afin qu'il nous enseigne ses voies. Ili kwamba tufunze njia zake. Et que nous marchions dans ses sentiers. Na tutembee katika njia yake. Ça c'est une bonne promesse que nous avons. Hii ni ahadi nzuri tulionayo. Cette promesse veut signifier. Ahadi inamaanisha. Toi et moi. Wewe na mimi. Nous sommes ceux qui doivent donner la référence dans notre génération. Tuko miongoni mwa wale ambao itakuwa mifano kwa karne ile. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire aux frères à côté de toi et la sœur, c'est par toi que le monde doit apprendre. Ambia jirani yako, ni kwa wewe ulimwengu utajifunza. Alléluia. Amen. Ils diront, venons à la maison de l'Éternel. Watasema kujeni nyumbani mwa Bwana. Afin que nous marchions dans ce sentier. Ili kwamba tutembee katika njia zake. Il y a des chemins qui doivent être tracés. Pana njia ambazo zitafunguliwa. Et ce sont les enfants de Dieu qui doivent tracer ce chemin. Na ni watoto wa Mungu ndio watazifungua. Il y a des portes qui sont encore fermées. Kuna milango imefungwa leo. C'est toi et c'est moi qui allons ouvrir ces portes-là. Ni wewe na mimi ambao tutafungua milango hizo. Alléluia. Amen. Je sais que dans ton cœur, le Seigneur est en train de faire bouillonner quelque chose. Nous sommes appelés à enseigner des choses à notre génération. Notre vie doit parler de Dieu. Autrement, Dieu est en train de dire ceci. Dieu placera l'église à une dimension d'élévation, à une dimension d'excellence, où ta vie elle-même attire les gens à Dieu. Ambapo maisha yako inavutia watu kwa Mungu. Alléluia. Amen. Quelqu'un dira, mtu atasema, nous avons été à la faculté ensemble. Tulikuwa kwenye masomo pamoja. Mais je pense que les choses qui se sont passées dans ta vie, lakini najua kama mambo yaliyopitika maishani mwako, je n'ai pas de choix. Sina chaguo mbili. Que de te suivre. Ninakufuata tu. Et d'apprendre ton secret. Na nijifunze siri yako. Quelqu'un dira, mtu atasema, nous allons tous au même endroit pour acheter les marchandises. Tunaenda sote kununua nafasi moja. Mais je pense qu'il y a quelque chose de différent avec toi. Lakini kuna kitu cha upekee na wewe. Apprends-moi comment tu le fais. Nifunze jinsi unayafanya. Nous avons le magasin au même endroit. Tuna maduka sote na wewe. Ce ne sont pas mes paroles, c'est la parole de Dieu. Si neno langu neno la Mungu. Un temps arrivera. Muda utafika. Où les nations verront ce que Dieu fait avec son peuple. J'aimerais mieux dire, un temps arrive et il est là, nous sommes dans le tournant décisif où Dieu va faire des choses avec les archois et archoises. Je n'ai pas besoin de voir quel est l'état de ta poche ce matin, cet après-midi. Je n'ai pas besoin de savoir quelle est la forme que tu as cet après-midi. Ce qui est important, c'est que c'est Dieu qui travaille avec toi. Et la Bible déclare qu'il y a une beauté qui va accompagner les enfants de Dieu. Il y a une beauté qui accompagne le ministère des enfants de Dieu. Il y a une beauté qui accompagne la profession des enfants de Dieu. Il y a une lumière qui brille sur ta tête. Nous avons tous des familles, mais ta famille elle est différente. Nous avons tous des enfants, mais tes enfants ils m'épatent. Watoto wote tunaokuwa nao lakini wako watakuwa tofauti. Nous avons tous le même salaire mais qu'est-ce qui se passe que ta vie est différente? Sote tuna mshahara lakini nini nafanya kwamba wewe uwe tofauti? Parce qu'il y a un travail que Dieu est en train de faire. Sababu kuna kazi Mungu anafanya. Par ton élévation. Kupitia kuinuliwa kwako. Par ta bénédiction. Kupitia baraka yako. Par l'excellence qui accompagne ta vie. Kupitia ukubwa. Attirer des foules vers lui. Hiyo inavuta watu kwa Mungu. Alléluia. Amen. Je veux parler pendant 3 jours de la réussite dans la profession. J'ai intitulé ce thème « Réussir dans la profession pour augmenter l'impact chrétien ». Réussir dans la profession. Réussir dans le travail que Dieu t'a donné. Kufahulu ndani ya kazi ambayo Mungu amekupatia. Tu peux ne pas avoir un travail actuellement. Unaweza kuwa hauna kazi leo. Mais en toi Dieu a investi des choses qui sont destinées à te donner un travail. Ndani mwako Mungu ameweka mambo ambayo itakusukuma kupata kazi. Réussir dans le couloir professionnel où Dieu t'a envoyé. Kufuata ndani ya kufahulu ndani ya kazi ambayo Mungu amekutuma. Afin d'augmenter l'impact chrétien. Kwa ajili ya kuzidisha ushawishi wa Kikristo. Parce que Dieu a dit dans sa parole. Mungu alisema katika neno lake. Il y a une beauté, une gloire qui va accompagner ses enfants. Pana utukufu utasindikiza wanawake. Dans tout ce que nous faisons. Ndani ya yote ambayo tunafanya. Nous pouvons avoir le même poste. Tunaweza kuwa na kiti moja. Mais dans la dimension spirituelle. Lakini kiroho. Dieu va faire en sorte que ton poste rayonne. Mungu atafanya kwamba kiti yako wewe ingae zaidi. Parce que derrière le rayonnement de ton poste, mana nyuma ya kungaa kwa kiti chako, Dieu vise à attirer des foules vers lui. Mungu anahitaji kuvuta watu kwake. Alléluia. Amen. Réussir dans la profession pour augmenter l'impact chrétien. Kufahulu ndani ya kazi kwa ajili ya kuzidisha mashawishi ya Kikristo. Alors, la réussite dans la vie est une promesse divine. Kufahulu ndani ya maisha inakuwa ahadi ya Mungu. C'est une responsabilité inakuwa jukumu, et c'est un choix à faire. Na ni uchaguzi. Notre pasteur, lorsqu'il a introduit ce programme de tout un mois, wakati mchungaji wetu alianza kutangazia mkutano huu wa mwezi mzima, il a bien précisé et j'ai bien tiré mes oreilles. Alisema na nilifungua masikio. La réussite dans la vie n'est pas un cadeau. Kufaulu ndani ya maisha si zawadi. Ce n'est pas un gâteau qu'on viendra vous servir sur un plat. Si zawadi watakuletea kwenye sahani. Nous devons faire le choix pour réussir dans la vie. Yatubidi tuchague ili kwamba tufaulu. Et payer le prix pour ce choix. Na kulipa bei kwa ajili ya hiyo uchaguzi. Alléluia. Amen. Répétez avec moi, nous devons faire le choix. Sema nitachagua. Nous devons faire le choix de réussir dans la vie. Yatubidi kuchagua kufaulu katika maisha. Et payer le prix pour cette réussite. Na kulipa bei kwa ajili ya ushindi huo. Alléluia. Amen. Le choix, il s'opère dans les cœurs. Uchaguzi ni katika moyo. Notre maman, le pasteur Rosette, maman, pasteur Rosette, elle a beaucoup parlé du cœur. Ameongelea sana moyo. Je crois qu'à un moment donné, je reviendrai sur cet aspect. Nitarudilia hiyo mambo fulani. Mais dans une autre direction. Kwa kiwango kingine. Nous avons été aussi enseignés sur les différentes batailles. Tumefundishwa kwa ajili ya vita mbalimbali. Toutes ces choses montrent qu'il y a un choix à faire pour réussir dans la yale vie. Yote yanaonesha kwamba kuna kuchagua ili kwamba ufaulu. Et il y a un prix à payer par rapport à na cela. Na kuna bei ya kulipa kwa ajili ya hiyo. C'est pourquoi je voudrais étudier avec vous pendant ces trois jours. Ndio maana kwa siku tatu. Je voudrais étudier sur certains principes. Tutasoma kwa ajili ya makanuni fulani. Des valeurs. Tabia nzuri. Et des attitudes. Na hali qui peuvent soutenir votre marche ambazo zitasupport njia yako safari yako vers le succès ou la réussite dans la vie. Kwa kufikiria ushindi katika maisha. Les principes dont je veux vous parler, kanuni ambazo nitaongelea, nous allons les tirer de la Sainte Bible. Tutazitoa kwenye Biblia. Vous savez que vous pouvez avoir accès à toutes sortes de littérature. Mnaweza kuwa kufikiria kusoma maandiko fulani fulani. Les clés du succès. Siri za kufaulu. Les différentes habitudes, tout est, mais voilà, les meilleurs hommes qui ont réussi et qui ont échoué sont ici. L'histoire de ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué se trouve dans ces Bibles. Historia nzuri ya waliofaulu na kushindwa ni katika njoo Biblia. Et beaucoup de personnes qui ont développé des livres management, leadership, tout ce que vous connaissez, ils se sont inspirés de cette de ce wote ambao wameongelea kuhusu uongozi na jinsi ya kuchunga vitu, walitosha chemchemu yao ilikuwa ni Biblia. Le meilleur livre qu'il faut lire dans la vie, voici, vous l'avez entre vos mains. Kitabu nzuri kuliko vitabu vyote ni Biblia. Alléluia. Amen. Nous allons parler de quelques principes. Tutaongelea kanuni fulani. Quelques valeurs. Tabia nzuri fulani. Quelques attitudes. Hali fulani. Qui sont recommandées. Ambazo zimehitajika. Pour vivre effectivement la réussite dans la vie. Kwa kuishi ushindi katika maisha. Comme je viens de le dire. Kama jinsi nimeyasema. Le succès n'est pas un cadeau. Ushindi si zawadi. C'est un droit. Ni haki. C'est un privilège. Ni fursa nzuri. C'est un avantage. Ni faida. Garanti pour quiconque est né de nouveau. Ambayo imepewa kwa yoyote aliyezaliwa mara ya pili. Mais comme il y a un choix à faire, c'est la responsabilité de chacun. Maana kuchagua inakuwa jukumu ya kila mmoja. Et le choix dont je parle ici, na hiyo uchaguzi ambao naongelea, ça signifie une adhésion volontaire. Inamaanisha peke yako unaamua. Et conscient kwa hisia yako pour intégrer dans votre vie, c'est-à-dire une une adhésion volontaire et consciente qui vous permet d'intégrer dans votre vie des principes, des valeurs et des attitudes qui vous soutiennent dans votre inamaanisha kwa hisia yako unaamua kukaribisha ndani mwako tabia nzuri na hali zilizo bora zitakazokusaidia kufaulu. Nous allons nous arrêter là où le Seigneur permettra. Tutasema même pale ambapo Bwana ataruhusu. Et le reste Dieu fera, prendra ça à charge. Yatakayobaki Mungu atahusika nayo. Alors la première vérité essentielle sur le chemin du succès. Kweli ya kwanza kwa kuweza kufikiria ushindi. Et la chose qu'il faut sortir avec dans cet enseignement. Kitu ambacho inabidi ushike katika mafundisho haya. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Kama hakuna tendo, hakuna matokeo. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Kama hakuna kutenda, hakutakuwa matokeo. Veuillez bien vous rappeler que nous parlons de la réussite dans la profession pour augmenter l'impact chrétien. Mada yetu ni kufahulu ndani ya kazi kwa ajili ya kuzidisha ushawishi wa Kikristo. Je pense d'une manière ou d'une autre, je vais peut-être me focaliser sur d'autres types de professions parce que le pasteur Jean-Pierre a parlé déjà suffisamment de la réussite dans le service pour Dieu. Parce que le service pour Dieu est aussi une profession. Ndio, mchungaji ameongelea kuhusu kufaulu katika huduma, lakini mimi nitaongelea kazi zingine, hapana zaidi huduma. Alors, pas d'action, pas de résultat. Kama hakuna kutenda, hakutakuwa matokeo. Il n'y a pas de réussite dans la vie sans une série d'actions appropriées. Hakuna kufaulu katika maisha kama hakuna mambo fulani uko natenda. Parce qu'en fait, c'est quoi la réussite? C'est le résultat d'un processus. Ushindi inatokana na njia fulani unafuata. Il n'arrivera pas un temps où je dis j'ai réussi. Tu vis ta réussite au quotidien. Kushinda haitanguka kwa ghafla. Unaishi siku kwa siku ushindi wako. Mais tu peux augmenter dans le niveau de réussite. Lakini unaweza kupanda kwa viwango vya kufaulu. C'est pourquoi nous disons que c'est un processus, c'est une vie. Une vie qui a réussi. Ndio maana tunasema ni viwango. Alors, lorsque nous disons que la réussite est le résultat d'un processus, vous retenez que la formule dit il n'y a pas de résultat sans action. Inamaanisha tukisema kufaulu ushindi inakuwa ikitokana na viwango, inamaanisha hakuna kushinda bila kutenda. Si vous ne faites rien, ne vous attendez aussi à rien. Kama ufanye lolote usichunge vile vile lolote. Si vous ne pensez pas à un résultat quelconque et agissez en fonction de ça, ne vous attendez à rien aussi. Kama hauna maono ya kufikiria jambo fulani na usichunge kukifikiria. Alors, la formule elle est simple. Formule inakuwa kawaida. Les actions produisent des résultats. Matendo inaleta matokeo. Lorsque ces résultats sont positifs ou satisfaisants, wakati hiyo matokeo yanakuwa mazuri ya kufurahisha, ils sont appelés succès ou réussite dans la vie. Zinaitwa ushindi katika maisha. Parce que si vous avez obtenu un résultat qui est négatif, qui est destructif, on peut appeler ça échec. Kama matokeo yako yalikuwa mabaya, watasema ni kushindwa. Et lorsque votre réussite ou votre succès, wakati ushindi wako, peut atteindre un grand nombre, peut affecter la vie d'un certain nombre de personnes. Ina faidia maisha ya watu wengi. C'est-à-dire plusieurs personnes peuvent bénéficier de l'effet de votre réussite. Wengi wanafaidia ushindi wako. Alors on peut parler de l'impact. Apo njo ushawishi. Action, résultat et ensuite impact. Tendo iliyotokea baada ya tendo na baada hapo ushawishi. Et nous, les enfants de Dieu, nous avons besoin d'être conscients de cela. Watoto wa Mungu yatubidi tutambue mambo yale. Et la qualité de la réussite dans votre vie, aina ya ushindi kwa maisha yako, dépend de la qualité de ce que vous faites et comment vous le faites. Inalingana na nini, namna jinsi unafanya ile unafanya. Nous pouvons, autrement ça veut signifier, nous pouvons passer toute l'année ici en priant le Seigneur. Tunaweza kupitisha siku mwaka mzima tukiomba Mungu hapa. Mais si nous ne faisons rien, kama tufanye lolote, je pense qu'il n'y a rien qui arrivera. Hakuna kitakachofika. Nous aurons simplement créé un environnement favorable. Tutaleta mazingira iliyo bora. Mais dans lequel personne ne fait rien. Ambamo ndani yake hakuna anayefanya lolote. La présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. La prière. Maombi. Qui nous connecte à la divinité. Inatukutanisha na mbingu. Nous introduit dans une atmosphère de grâce. Inatuingiza katika uwanja wa neema. Nous introduit dans un environnement favorable. Inatuingiza katika uwanja wa kibali. Et cet environnement favorable, ça devient comme une terre qui est fertile. Na hiyo uwanja inakuwa udongo unaokuwa na mboleo. Ce qui fait que les actions qu'un enfant de Dieu fait en fonction de son nom divin, il n'a pas de choix, tu dois réussir. Hiyo inamaanisha kwamba mambo unayofanya ukiwa mtoto wa Mungu inabidi tu ufaulu. J'ai bien précisé que si vous, la qualité de la réussite dépend de la qualité de ce que vous faites. Ah, kufahulu yako, ukubwa wa ushindi wako, inalingana na yale ambao uko ukifanya leo. Non seulement ce que vous faites, mais comment vous le faites aussi. Apana tu ile ambao unafanya, lakini namna gani unayafanya. Alors, comme nous parlons avec une dimension professionnelle aussi, maana tunaongea kwa tika maono ya wafanya kazi, si vous faites des choses au hasard, ukifanya mambo kwa kubahatisha, vous aurez aussi des résultats au hasard. Na utapata matokeo za kubahatisha. Alléluia. Amen. Si vous faites des choses avec le bon sens, kama unafanya mambo na uangalifu wako wote, peut-être juste en imaginant comment ça peut être, ukifikiria namna gisi itakuwa, vous risquez d'avoir des résultats en fonction de ce que vous imaginez aussi. Unaweza kupata matokeo kulingana na ile ambayo uko nawazia. Donc il est important. Ni ya maana, et la Bible dit da, Daniel, na Biblia nasema katika ceux Daniel, qui auront été intelligents, wale waliokuwa wenye hekima, ils brilleront dans le royaume de l'Éternel. Watakuwa na ngaa kwenye ufalme wa Mungu. Il y a une intelligence qui doit accompagner les hommes et les femmes que Dieu a appelés. Bana akili itasindikiza wale ambao Mungu ameita. Et nous parlerons de cet aspect peut-être demain. Tutayaongelea kesho. Alors je vous disais, pas d'action, pas de résultat. Nilikuwa nikisema hakuna kutenda na hakutakuwa matokeo. Alors c'est simple. La Bible déclare tout ce qu'il fait lui réussit. Biblia nasema yote anayofanya inafaulu. Ça signifie quoi? Vous devez faire quelque chose. Yawabidi kufanya kitu fulani. Si vous ne faites rien, il y a pas de réussite. Kama ufanye lolote hakutakuwa ushindi. Tout ce qu'il fait, yote anayofanya, homme et femme, mwanamke mwanaume, cet après-midi, jioni ya leo, il y a quelque chose que toi et moi nous devons faire. Kuna kitu ambayo inabidi tufanye mimi na wewe. Et que Dieu doit convertir comme une réussite dans la vie. Na ambayo Mungu atafanya iwe ushindi kwa maisha yetu. Il est dit aussi de Joseph. Kwa ajili ya Yusufu imesemeka. L'Éternel faisait prospérer ou réussir tout ce qu'il entreprenait. Mungu alikuwa akifanya kusitawi yote aliyokuwa anatenda. Il faisait quelque chose. Alikuwa anafanya jambo fulani. Et Dieu récupérait cela. Na Mungu alikuwa anaishika. Il trompait dans un environnement de grâce. Aliweka kwenye uwanja wa neema. Et c'était différent. Na ilikuwa tofauti. Que dire de Josué? Tuambie, tuseme nini juu ya Yoshua? C'est un passage que nous connaissons très bien. Tunajua hiyo mstari. Lorsque Dieu disait ne t'éloigne que ce livre ne t'éloigne pas de toi. Mungu amemwambia kitabu hiki kisijitenge na la wewe. La suite de ce passage dit c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises ou toutes tes initiatives. Biblia nasema ni hapo ndio utafaulu kwa yote ambayo utafanya. Et enfin la Bible déclare. Na kwa mwisho Biblia nasema. L'Éternel bénit l'œuvre de nos mains. Mungu anabariki kazi ya mikono yetu. Et nous sommes en train de parler de professions qui augmente l'impact du chrétien. Tukunongelea kazi ambayo inaleta ushawishi katika maisha yetu ya Ukristo. Pendant les quelques minutes qui me restent, parlons de l'impact chrétien. Tuongelee kuhusu ushawishi wa Kikristo. Parce que c'est important. Quand nous parlons de l'impact chrétien, c'est quoi? Tunapongelea ushawishi wa Kikristo ni nini? Alléluia. Amen. Dis au frère et à la sœur à côté de toi, tu dois impacter ce pays. Ambia jirani yako ya kubidi kushawishi. Les hommes et les femmes d'impact. Watu wa kushawishi. C'est toi et moi, bien-aimé. Ni wewe na mimi. Ah, que le Seigneur nous fasse grâce. Mungu atujalie neema. Ce pays a besoin d'hommes et de femmes. Inchi inahitaji wanawake na wanaume. Qui se lèvent. Ambao wanasimama. Et qui changent la configuration sociétale. Na wanabadilisha mazingara yao. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a appelé, wote ambao Mungu aliita, il a donné une tâche spécifique à accomplir. Aliwapatia jukumu la upekee la kutimiza. Et toute la Bible est pleine d'histoires d'hommes et de femmes qui ont accompli une mission spéciale à leur temps et dans leur génération. Biblia inazungumzia watu waliotimiza makazi kwa nyakati na karne zao. Et j'ai la joie et la fierté de me tenir devant des hommes et des femmes précieux que Dieu a appelés. Nina furaha kuwa mbele za watu ambao Mungu ameita. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas assis ici juste par hasard, nous sommes appelés. Atukopo kwa bure tumeitwa. Aidez-moi à dire au frère, tu es appelé frère. Ambia jirani yako umeitwa. Tu es appelé. C'est pas seulement la veste, la belle veste là, tu es appelé. Umeitwa. Ta belle veste, ta belle moustache là est censée démontrer la gloire de Dieu. Yote ulionayo ndevu suti vionesho utukufu wa Mungu. Alléluia. Amen. Quand vous voyez le bien-aimé danser ici, même si tu ne veux pas danser, tu dois danser. Ukiona watu wanacheza, hata kama upendi kucheza cheza. Il est en train d'arracher la louange en faveur de Dieu dans ta vie. Akona vuta sifa za Mungu ndani mwako. Et si Dieu, il est glorifié par ce qu'il fait. Kama Mungu anatukuza kwa yale ambayo anafanya. Lui, il est sur l'autel de Dieu en offrant le sacrifice. Yeye ako kwenye madhabahu akitoa dhabihu. Viens arracher ce frère sur l'autel où Dieu est en train de prendre plaisir. Kuja quand la fumée monte. Kuja ufaidie neema yake. Non, Ça veut dire tu veux l'arracher là, tu veux lui faire du mal. Tu vas avoir affaire avec le Dieu qui prend plaisir de cette fumée qui monte de ce sacrifice. Unapotamani kumufanyizia mabaya, Mungu aliyenaye mazabauni atakushughulikia, atakubabula. Alléluia. Amen. Que la fumée de bonne odeur monte de ta vie. Acha hiyo hewa nzuri itoke toka wewe. Et que Dieu ouvre ses narines grandement pour recevoir cette fumée là. Na Mungu afungue mapua yake kwa kupokea moshi hiyo. Et on nous a enseigné hier, soyons agréables, que Dieu se plaise par ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Dieu a appelé Moïse pour délivrer Israël de la domination de l'Égypte. À un moment donné, Dieu a appelé Josué pour qu'il puisse conduire le peuple vers Canaan. Yoshua kwa ajili ya kuweza kuongoza Israeli Kanana. Ensuite Gédéon, cet homme qui s'ignorait, il a été appelé Gideon, pour libérer le peuple d'une certaine domination. Gideon ni mtu aliyekuwa ajijui, ameitwa kukuokoa Israeli toka Midiani. Gédéon n'a pas été un prophète. Gideon hakukuwa nabii. Gédéon n'a pas été un grand sacrificateur. Gideon hakukuwa kuhani mkuu. Mais Dieu est venu vers Gédéon. Mungu alikuja kwa Gideon. Il dit que c'est toi qui vas libérer mon peuple. Akimwambia ni wewe utaokoa taifa langu. Il a dit à Josué. Alimwambia Joshua. Mon peuple doit aller jusqu'à sa destination. Watu wangu watakwenda mpaka kwenye wanaelekea. Et c'est toi qui dois aller jusqu'au bout avec ce peuple. Na ni wewe utakwenda mwisho mpaka mwisho pamoja nao. Josué était établi comme un guide. Gideon amewekwa kama vile muongozi. Je crois fermement qu'au milieu de nous. Je crois que fermement il y a des hommes et des femmes au milieu de nous. Naamini kama miongoni mwenu pana watu que Dieu a appelé pour libérer un secteur. Ambao Mungu ameita kwa kuweza kuokoa kiwango fulani. Pour créer l'innovation dans un domaine quelconque. Kwa kuleta mambo mapya katika kiwango fulani cha kazi. Gideon faisait son travail. Gideon alifanya kazi yake. Il préparait des beignets. Aliandaa mabenye. Mais Dieu a dit c'est toi. Lakini Mungu akasema ni wewe. Il a appelé David pour être roi. Alimuita Daudi kwa kuwa mfalme. Il a appelé Esaïe pour être prophète. Alimuita Isaïe kwa kuwa nabii. Que dire de Joseph? Tuseme nini juu ya Yosef? Cet homme que Dieu a appelé en Égypte. Mungu amemuita Misri. Pour sauver ce peuple de la famine. Kwa kuokoa taifa lake toka njaa. Ah, il y a des famines qui nous entourent, je crois. Tunapigwa na njaa. Et de toutes formes. Na kwa ina mbalimbali. Dieu a donné une intelligence particulière à Joseph. Mungu alimupa Yusufu akili ya upekee. Et que cet homme puisse réellement apporter un changement dans la configuration de l'Égypte. Ili kwamba huyo mtu alete mabadiliko katika mazingara ya Misri. Que Dieu te donne l'intelligence professionnelle nécessaire. Acha Mungu akupe hekima ya kazi. Pour aller arroser un certain secteur professionnel. Kwa kuenda kuokoa kiwango fulani ya kazi ambayo umeharibika. Vous avez l'impression que c'est le désert, c'est la sécheresse. Umetambua kama maiki wango ni ukiwa mtupu. Tout un roi, le pharaon, il n'a pas d'idée que faire de ce qui se passe. Mufalme alikuwa ajue atafanya nini. Mais il y a un jeune que Dieu a élevé. Pana mtu kijana ambaye Mungu aliinua. Joseph n'a pas été sacrificateur. Yusuf hakuwa kuhani. Joseph n'a pas été un grand prophète. Yusuf hakuwa nabii mkuu. Joseph n'a pas été un roi. Hakuwa mfalme Yusuf. La seule chose que Joseph avait, il avait son Dieu. Yusuf alikuwa njoo na Mungu wake. Il craignait Dieu. Aliogopa Mungu. Et il a sauvé toute une nation. Na aliokoa taifa nzima. Où sont les sauveurs de cette nation? Wamokozi wako wapi? Où sont ces hommes et ces femmes à qui Dieu a investi une intelligence? Watu wako wapi ambao Mungu ameweka ndani mwao akili na hekima? Sur ce banc dans cette assemblée, il y a ces hommes et ces femmes. Watu wale wako hapa ninaamini. Dont l'intelligence est destinée à éclairer un secteur de la vie. Ambao akili zao zitaleta mwanga kwa kiwango fulani cha maisha. Nous avons souvent parlé de Deborah. Tumeongelea Deborah. Cette femme qui s'était levée. Huyo mama mbali si mama. Et la Bible est pleine d'histoire même de femmes. Vous parlez de Ruth, Esther, Esther, Marie, Dorcas, ces femmes qui à un moment donné ils se sont levées pour impacter leur génération. Biblia inaongelea watu wengi na wanawake mingi ambao walisimama na wakashawishi mazingara yao. Il est temps que nos mamans, que nos jeunes filles se lèvent avec le pouvoir et l'autorité que Dieu leur donne. Ni muda ambapo wadada na wamama wasimame na mamlaka waliopewa na Mungu. Avec l'intelligence que Dieu a investi en elles. Simameni na akili Mungu aliyowapatia. Pour faire des choses qui révolutionnent notre génération. Kwa kufanya mastajabu katika karne hii. Alléluia. Amen. Je vous ai donné donner les exemples de la Bible. Mais je vais vous parler de quelques personnes qui ont aussi révolutionné la vie dans notre génération. Certains d'entre vous, vous avez entendu parler d'un homme qu'on appelait Martin Luther King. Cet homme, c'est un serviteur de Dieu dans une nation que vous connaissez. Il a su mobiliser son peuple au nom de l'évangile. En mobilisant aussi l'Église pour dire non à l'injustice. Il a dit non à la discrimination. Il a changé de loi à travers son action. Il y a des hommes et des femmes par leurs actions, les lois du pays seront changées. Les églises aux États-Unis se sont levés pour dire non à l'injustice et à la discrimination. Vous connaissez un autre pasteur en Afrique du Sud, le pasteur anglican qu'on appelle Desmond Tutu. Lui aussi, il a mobilisé son peuple pour dire non à ce qu'on appelait l'apartheid. Aliita taifa lake kwa kusema hapana kwa utawala mbovu. Un système qui opprimait le peuple. Hali ambayo ilikuwa ikitatiza watu. Un système qui privait les gens de leurs droits. Hali ambayo ilikuwa ikifanya kwamba watu wasipate sheria haki zao. Et après même ce système quand il était aboli, wakati hiyo mambo ilitoweka, il y a des choses qui s'étaient passées dans ce pays. Pana mambo mazuri yalipitika katika nchi. On a vu cet homme qui était encore très engagé dans la société. Huyo mtu ambaye alikuwa akijitoa kwa ajili ya watu wake. Pour mettre en place des mécanismes qui ont permis à son peuple. Kwa kuweka mambo ambayo iliruhusu taifa lake. De faire face à ce passé qui était sombre et de construire l'avenir. Watoke katika giza ya zamani na wajenge kesho nzuri. Et pour ceux qui ont étudié l'histoire de ce pays, il y a ce qu'on appelait une justice transitionnelle avec les commissions vérité et réconciliation. Je suis simplement en train de vous montrer comment l'Église ne devrait pas être insensible à ce qui se passe dans la société. Vous savez aussi ces hommes qui ont été les réformateurs, qui ont été à la base du protestantisme. Martin Luther, Jean Calvin et les autres. Martin Luther, Jean Calvin na wengine. Vous savez, à l'époque, la Bible n'était pas accessible à tout le monde. Zamani, haiko kila mtu alikuwa akigusa Biblia na kuisoma. Vous pouvez arriver dans l'église comme nous sommes tous là. Muda fulani ungelifika kanisani kama jinsi tuko sote. Et il y a seulement un prêtre ou un évêque, je ne sais pas, qui avait seulement la Bible. Palikuwa na kuani moja alikuwa padiri, njo alikuwa tu na Biblia mwenyewe. Alors, il pouvait dire ce qu'il pense être la vérité. Alikuwa anasema bile bina wazia kwamba ni kweli. Et au nom de cette situation, on pouvait même manipuler les chrétiens. Na kwa ajili ya hiyo, walikuwa wakicheza cheza wa Kristo mvichwa. Et un homme se levait. Na mtu mmoja alisimama. Il a commencé à traduire la Bible. Alianza ku traduire Biblia pour que la Bible soit accessible à tout le monde. Alianza fasiria Biblia kwa lugha nyingine. Il a été même chassé de l'église. Watu wote waisome na kafukuzwa kanisani. Mais il a dit pourvu que la vérité soit connue. Ili kwamba kweli ijulikane. Pour que la vérité change de vie. Ili kwamba kweli ibadilishe maisha ya watu. Aujourd'hui nous avons la Bible entre nos mains. Leo tuna Biblia mikononi mwetu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Sababu mtu mmoja alilipa bei kali. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés chacun dans son secteur kila moja kwa kiwango chake ameitwa à apporter une lumière dans un domaine quelconque kuleta nuru kwa kiwango chake. La Bible déclare que nous sommes une race élue. Biblia inasema tuko taifa teule pour publier les louanges de Dieu kwa kutangaza sifa za Mungu. Avant que je ne dise beaucoup sur l'impact chrétien, je vais résumer ce que n'est pas le succès pour ou la réussite pour les enfants de Dieu. Kabla kuingia kilindini nitasema ile ambayo haiko ushindi. La réussite n'est pas l'accumulation de diplômes. Ushindi sio kuwa na macheti mingi. J'ai mon PhD. Ninakuwa na PhD yangu. J'ai deux masters. Ninakuwa na masters mingi. Et même les démarches changent. Na hata mwendo unabadilika. J'ai réussi dans la vie. Nilifaulu katika maisha. Le diplôme n'est pas l'équivalent de la réussite dans la vie. Ushindi si macheti zako. Là où je suis en train de travailler actuellement. Il y a un frère qui était dans l'église et qui enseignait calmement l'évangile. Et il a eu le privilège d'avoir une bourse d'études. Il est allé faire la théologie jusqu'à atteindre le doctorat. Alors, chaque fois il est revenu, quand tu l'appelles au téléphone, où est-ce que tu laisses le titre de docteur? Je ne suis plus le frère simple là, c'est maintenant docteur. Anasema mimi si kondugu, uniite docteur. Et il a même commencé à dire docteur de la loi. En fait, c'est différent. Quand le ministère tel que c'est décrit dans Ephésiens, c'est différent du doctorat à la théologie. Akaanza kujipiga kifua na kusema hata hiyo walimu wa kibiblia ni tofauti na walimu wa kitheolojia. Avant on l'appelait en fait évangéliste, maintenant il a changé de ministère, il est maintenant docteur. Mbele tulikuwa tukimuita mwinjilisti, leo anajiita sasa docteur. Et lui, il est vraiment au sommet. Même quand il vient à l'église, il y a des chaises particulières pour lui. Na wakati anakuja kanisani, kuna kiti ya upekee juu yake. Frère, quand tu auras tous ces diplômes-là, parce qu'il y en a beaucoup ici dans cette église. Wengi watapata hizo macheti, mutakapozipata. Si il y en a seulement deux PhD, il y en aura plusieurs. Il y a beaucoup qui sont en train de partir pour Kama leo, kuna madokteri wawili miongoni mwetu, kuna wengi watapata hizo PhD hapa. Mais le diplôme ne sont pas l'équivalent de la réussite. Hizo macheti azimanishe ushindi. Quel est le résultat qu'apporte ce diplôme-là? Matokeo gani natokana na hiyo? Quel est l'impact qu'apporte ce diplôme, toutes ces connaissances accumulées? Ushawishi gani hiyo ujuzi unaleta? Il y a comme des enseignants dans les facultés où les gens disent, viens toucher le savant. Tu as déjà touché le savant? Kuna tu as vu le savant dans ta vie, toi? Kuna walimu wengine na wana wanafunzi anasema, eh, wewe kuja ukaguse mwenye hekima. Ushakagusa mwenye hekima. Et finalement, tu te dis, après, ça nous amène où? Na unajiuliza sasa, kisha hiyo, nini itafuata? L'accumulation de richesses. Kujikokotea utajiri tele. Vous aurez des comptes à banque. Utapata ma compte kwenye bank. Vous aurez des maisons. Utapata manyumba. Vous aurez des voitures. Utapata magari. Vous aurez des voyages. Utasafiri. Toutes ces choses-là n'est pas l'équivalent de la réussite dans la yale vie. Yote ayamanishe ushindi katika maisha. Quel est l'impact de tes voyages? Quel est l'impact de ton argent à banque? Quel est l'impact de tes voitures? Yale yote unakuwa nayo yanaleta mashawishi gani? Alléluia. Amen. Je visitais une province de mon beau pays. Nilitembelea jimbo moja la inchi yangu. Alors, je vais vraiment éviter de donner les noms. Sitapana jina. Alors j'étais dans cette province. Nilikuwa katika ilo jimbo. Le gouverneur, il est vraiment riche. Gavana ni tajiri kweli. Et il est vraiment riche. Kweli ni tajiri. Le matin, il va avec une voiture. Usubuhi anakwenda na gari nzuri. Lorsqu'il vient à la pause de 12h, que les Français appellent simplement déjeuner ou dîner, je ne sais pas. Wakati anarudia kwa kukula chakula ya mchana. Il vient changer la veste et il prend aussi une autre voiture. Anabadilisha suti na anachukua gari lingine. Et dans la soirée, quand il fait sa promenade, jioni anapofanya matembezi, il a une autre voiture. Ana gari lingine. Tout cela n'est pas l'équivalent de la réussite. Yale yote haiko nje ushindi. Je suis allé visiter son parc, j'ai eu quand même l'occasion de le toucher, le riche gouverneur. Nilikwenda kumtembelelea, nilipata neema ya kumgusa na kumuona. Et il y avait environ 10 véhicules à faire dans le parking. Kulikuwa kwenye parking yake karibu ni gari 10. En tout cas, le moins cher aux environs de 80,000 dollars. Ya kidogo zaidi ilikuwa ni ya franka 18,000. On a multiplié ça par 10, c'est le parc automobile de monsieur le gouverneur en fait. Hiyo ni gari mahali ambapo gari zake zinakaa. Et c'est lui-même qui tourne à tour de rôle l'une après l'autre voiture. Na ni yeye anatembea katika hizo magari zote. Et je me dis finalement un homme élevé, il a aussi le temps quand même de penser qu'il doit changer de veste à la pause, changer la voiture à tel. Ça le préoccupe, il a aussi le temps de penser les questions de la province. Uyo mtu amenuka ndio anakamata muda wa kubadilisha masuti. Autant vous êtes gouverneur, vous êtes suffisamment élevé. Vous avez en même temps le temps de mettre un peu autant de vestes, sans vestes. Et de dire aujourd'hui ça va être la couleur blanche, demain c'est bleu, l'autre c'est noir. Et puis bon, la voiture là, ça te préoccupe aussi dans la tête. Wewe ni kiongozi na unahusika zaidi na mavazi na magari ambayo utatembelea. Et il faut aller voir l'état aussi de cette province. Ona sasa hali ya hiyo jimbo. C'est dans mon pays. Ni katika nchi yangu. Et l'accumulation de richesses jikokotea utajiri tele n'est pas forcément la réussite dans la vie. Même si vous allez multiplier des voyages. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de tes voyages, frères et sœurs? Lorsque Dieu te donne l'occasion d'aller piétiner les sols étrangers, tu ramènes quoi? Ce sont des selfies peut-être pour certains. Selfie, c'est quoi là? C'est intéressant pour votre joie, on n'a rien contre ça, mais au-delà des selfies, il y a autre chose que nous attendons de toi, frères et sœurs. Tunachunga mengi kuliko wewe kwako, haiko tu hizo mafoto na kupublier. Nous n'avons pas l'occasion d'aller partout où tu es. Hatuna fursa ya kufika kule ambapo huko unakwenda. Qui te dit que ce n'est pas pour la cause de Dieu que Dieu permet que tu ailles voir, écouter et ramener une connaissance? Aujui kwamba ni kwa ajili ya kazi ya Mungu ndio Mungu anakutuma kule ili kwamba uende na ulete ujuzi kubwa. Diminuez un peu ces photos qu'on publie, donnez-nous un peu quelque chose d'intéressant. Punguza kuzile mapicha na kamata na utuletee mambo ya maana sasa. Nous étions à la piscine, les photos. Nous étions à l'océan, les photos, c'est bien. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que nous gagnons dans ça, bien-aimés? Tulikuwa tukioga unajikamata picha, tulikuwa kwenye meli unajikamata picha, hiyo ni sia maana. En tout cas, je n'ai rien contre ça, mais je pense au-delà de ça, il y a un objectif de Dieu. Si pinge mambo yale, lakini kuna zaidi ya hiyo. Alléluia. Amen. Lorsque tu es assis dans un avion, ça t'inspire quoi en fait? Unapokaa ndani ya ndege, inakupatia maono gani? Lorsque tu vois un environnement propre bien, ça t'inspire quoi? Wakati uko katika mazingira safi, inakufungua ni nakupatia nini? Attaque chrétien et professionnel. Wewe kama vile mkristo na mfanyakazi. Qui devons impacter notre génération. Yatubidi kushawishi karne letu. Nous aurons des avions et des véhicules. Tutauza mandege hapa na magari kubwa. Un temps arrivera, il y a des bien-aimés qui prendront leurs propres avions et aller faire du boulot. Mudo utafika ambapo kuna wandugu hapa watachukua ma jet privé na kwenda kufanya makazi. Quelqu'un dit dans la salle que mes frères là, ils rêvent ou quoi? Et ceux qui les ont, ils ont fait quoi? Wale walionazo walifanya nini? Ils ont pensé, ils ont travaillé pour ça. Waliwaza na walitumia. Et ils ne sont pas des pays merveilleux comme le nôtre. Mais quand j'aurai un avion, quand j'aurai des véhicules, tout cela n'est pas succès ou réussite. C'est des moyens que Dieu donne pour faire ton travail. Wakati nitauza ndege zangu na magari na mambo makubwa, hiyo sio njo ushindi. Et quelqu'un dira, Christian peut aller dans ce jet privé. Frère, nous étions sur le bord de l'école ensemble. Je n'ai pas de choix. Dis-moi comment ça se passe. Je confirme et j'en aurai. Gloire à Dieu. Mtu mmoja anasema Christian amenunua ndege yake. Mtu mmoja anasema, "Je, ulifanya je ili kwamba hiyo kitu ipatikane?" Alléluia. Amen. Quand toutes ces choses là arriveront, wakati yale yote yatafika, dites que le Seigneur a un objectif. Sema Bwana ana lengo. Il y a des choses qui vont arriver dans votre vie. Pana mambo itafika maishani mwako. En termes de grâce. Ni neema. En termes d'élévation. Ni kuinuliwa. En termes d'argent. Pesa. Parce que vous êtes connecté à une mission divine. Kwa sababu tu unashikamana na kazi ya Mungu fulani. Ne commence pas à t'affoler. Makute na kuwa mingi, c'est quoi ça? Non. Il y a derrière ce que Dieu est en train d'amener vers toi comme une rivière. Pose-toi plutôt la question, Seigneur, pourquoi seulement moi? Wakati mambo atakapokuwa mingi, usianze kulewa raha. Jiulize kwa nini tu mimi? Alléluia. Amen. Tu peux planifier tes vacances à Dubaï, en Chine, à Nairobi. Pepe, c'est pas à Munigi, partout où vous voulez. Mais derrière ça, tu dis, mais quand je quitte Kamituga dans mes vacances avec la famille, bon, Seigneur, et toi, ta part, c'est quoi? Unaweza kubariki, unaweza kupanga masafari zako za mapumziko. Lakini ya maana ujulize, Mungu, na wewe sasa, ni nini yako? Alléluia. Amen. Dieu a donné la grande vision à son serviteur, notre papa. Mungu alipatia mtumishi wake maono makubwa. Mais de l'argent passera par nos mains ici. Lakini pesa itapita njoni mu mikono yetu. Parce que la vision elle est grande. Maana maono ni kubwa. Vous saisissez cette parole là? Je, unaweza ukashike neno hili? Il y a des mains qui vont être bénies. Pana mikono itabarikiwa. Il y a des professions qui vont arriver. Pana makazi zitakuja. Il y a des bourses d'études qui arrivent. Pana pesa, fursa za kusoma zitafika. Il y a une prise en charge divine. Kutakuwa kusapotiwa na Mungu. Étudiez parce qu'il y a des bourses qui vous attendent. Someni maana pana. Alléluia. Fursa za kuenda kusoma mbali. Étudiez correctement parce qu'il y a des postes qui vous attendent. Soma maana pana makazi yanakuchunga. Augmentez votre intelligence parce qu'il y a des entreprises que vous devez gérer. Tafuta kuwa na akili zaidi maana utachunga kampuni. Alléluia. Amen. L'impact chrétien passe par des professions fructueuses que Dieu multiplie au milieu de son peuple. Ushawishi wa Kikristo unapitia njia ya makazi makubwa mazuri tunazofanya. Quand vous aurez des postes élevés et responsabilités enviables, Ce n'est pas ça la réussite. Quel est l'impact de votre poste? Wakati utakuwa na kazi nzuri ya kuvutia, haiko ile njoo ushindi. Mashawishi ni gani ya kazi ulionayo? J'entends parfois quelqu'un dire je vais rater mon avion, je suis entre les deux avions. Ah papa. Je vais rater mon avion. Toi tu as un avion, tu vas rater ton avion. Muda fulani mtu mbona mtu anasema nitakosa kwenda na ndege. Sijui comment je vais le dire en soi. Non, tu l'as déjà dit, c'est bon. Oh yes, mtu anasema nitakosa ndege yangu. Wewe ulishakuwa na ndege siku gani? En fait, tu vois quelqu'un il est un peu à hauteur là. Non, je suis entre les deux avions, je ne suis pas stable, je suis busy tout ça. Mais derrière ton busy là, tes deux avions, c'est quoi en fait? Ça ne nous impressionne pas, papa, maman. On a parlé l'important, c'est qu'est-ce que nous tirons de ce voyage? Qu'est-ce que Dieu tire de ça? Unajinua na kupandisha mabega ukisema ndege zangu, ndege zangu. Hiyo sio ya maana. Ya maana ni kwamba nini ya kimungu unatosha moyo mambo yote. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut-il glorifier le Seigneur lorsque tu parles de tes deux avions, tes vols, ainsi de suite? Mtu anaweza kusifu Mungu wakati unasema hiyo mandege, masafari za ndege. Je suis sur des proposals, j'ai pas les tasses pour vous un peu. Proposal, projet, c'est bien, mais après c'est quoi, frères et sœurs? Nina miradi, sina munda juyenu, bada eyo, nini nafuata. Alléluia. La réussite est sur notre chemin. Ushindi uko kwenye njia yetu. Pour attirer les hommes et les femmes à Dieu. Kwa kuweza kuvutia wakaka, wababa na wamama kwa Mungu. Tout en suite, je veux dire quelque chose. Nitasema jambo fulani. La réussite d'un enfant de Dieu n'est pas une compétition. Ushindi wa mtoto wa Mungu haiko kupingana. Alléluia. Nous allons offrir à Dieu pendant que nous continuons cet enseignement. Tutakuwa tukitolea Mungu tunapo. Nous sommes tous dans la moisson du Seigneur. Sote tuko kwenye shamba la Bwana. Alléluia. Amen. S'il y a un arbre qui porte son fruit maintenant, c'est sa saison. Kama kuna mti ambao unazaa matunda leo ni majira yake. La Bible déclare que nous sommes une plantation de l'Éternel. Biblia inasema tuko shamba la Bwana. Il va produire ses fruits maintenant. Atatoa matunda yake sasa. Demain c'est moi. Kesho ni mimi. Nous allons manger les oranges de Christian. Tutakula ma orange za pasteur Richard. Demain nous mangeons je ne sais pas les mangues de l'autre et la plantation elle est vivante. Kesho tutakula za mwingine na shamba linaendelea kuishi. Il ne s'agit pas de la compétition lorsque un enfant de Dieu a réussi. Haiko kuanza kupingana wakati mtoto wa Mungu anafaulu. Nous devons par contre être heureux tous et tu devrais même être humble pour dire Seigneur, pourquoi simplement moi? Qu'est-ce que je peux communiquer comme message par rapport à ce que tu fais dans ma vie? Yatubidi kufurahia ushindi za wengine na unajiambia hata Mungu kwa nini tu mimi? La réussite que vous avez n'est pas une occasion de prouver aux autres que tu es arrivé. Ushindi ambao unapata haiko fursa kuanza kuonesha watu kwamba ulishafika. Nous sommes une famille. Tuko jamaa. Lorsque tu réussis, wakati unafaulu, c'est la famille qui réussit. Ni jamaa inafaulu. C'est la fierté de toute la famille. Ni furaha ya jamaa nzima. Alléluia. Amen. Lorsque tu réussis, wakati unafaulu, dans ta profession, ndani ya kazi yako, élévation poste, umeinuliwa ndani ya kazi, tes comptes à banque ont augmenté, unakuwa na account zenye pesa tele, ton entreprise avance. Alors tout ça c'est pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors la profession que Dieu donne à chacun d'entre nous, c'est un ministère. Alléluia. Amen. Le succès dans votre profession est une stratégie que Dieu utilise pour moissonner. Pour attirer des milliers d'hommes et de femmes à lui. J'aime toujours notre vision bâtir fort pour. Ninapenda maono yetu kujenga kwa nguvu kwa ajili. Des professions fortes pour la gloire de Dieu. Kujenga makazi makubwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nous avons besoin de professions qui augmentent l'impact chrétien. Tunahitaji kazi ambazo zinaleta ushawishi kubwa wa Kikristo. Et dans tous les domaines de la vie. Na katika viwango vyote vya maisha. De l'économie, uchumi, de l'éducation, éducation. Dans tous les domaines, vous savez, l'éducation est vaste. Nous avons besoin d'impacter toutes ces dimensions-là. Unajua usomi una viwango mbalimbali. Yatubidi kushawishi. La communication, katika majadiliano, le domaine de la médecine, matunzo, le domaine de l'armée, katika jeshi. Il ne faut pas dire que les chrétiens ne doivent pas être militaires. Le domaine là, nous devons y aller. Usiseme mkristo atakuwa jeshi. Yatubidi tuende kuwa majeshi. La politique. Siasa. Vous savez, il fut un temps, je crois que c'est vers l'année 2009 ou 2012. Kwa mwaka 2009 na 10 hapo. J'étais révolutionnaire pour une situation. Nilikerwa moyo. Et hali fulani. J'ai soumis ma candidature pour un master dans une université en Europe. Nikaomba kufanya kusoma masters Ulaya. Alors, ce master là c'était je crois sécurité et défense. Ilikuwa masters kwa ajili ya kufanya security na defense. Alors j'attendais la réponse. Nilikuwa nikichunga jibu. On m'a refusé. Wakanikataa. Quand on vous refuse, soyez aussi patient, ce n'est pas grave. Wakati wanakukataa, tulia, jitalala. Mais j'étais vraiment fâché. Je dis, mais j'ai tout, en réalité, toutes les qualités sont là. J'ai rempli les dossiers, ils disent intelligent, je pense que je suis intelligent, j'ai bien réussi quand même ma licence. Nilikwazika nikisema, nina jibu kwa aja zao zote, kwa nini wananikataa? Et quand j'ai essayé de me renseigner quel est le problème, nilipopima kuuliza shida ni gani, j'ai reçu une réponse un peu étrange. Nilipata jibu ya kitafauti. On m'a dit que cette faculté-là, ce master est réservé à une catégorie de personnes. Wakasema, hiyo masters inawekwa kwa ajili ya kiwango moja ya watu. Quand on a étudié ton dossier, donc tu n'as pas de répertoire, donc c'est fermé quoi. Wakati walisoma vikaratasi vyako, wakakuta kwamba, kuna mambo unakosa ndani. Il y a des gens qui mettent en place un système qui nous exclut. Kuna watu wanatia mitumikio ambayo inatusukuma nje. Je prie qu'il y a un frère, une sœur qui se lève ici, qui crée une faculté, il y a sécurité et défense. Moi, j'irai dans cette faculté-là. Naomba pawe ndugu ambaye atafungua university na utie hiyo faculté ya security na defense. Les bonnes études sur la diplomatie. Vous avez vu une faculté sur la diplomatie ici? Je umeona masomo mazuri inayofunza kuhusu diplomasia. Vous devez aller tous en tant que chrétien dans la diplomatie. Wa Kristo twende kwenye diplomasia. Les questions de technologie. Mambo ya technology. Les questions de justice. Mambo ya haki. Le cabinet d'un avocat, le cabinet des magistrats. Nyumba ya mtu wa haki. C'est le lieu d'exercice de ministère que Dieu te donne. Ni nafasi ya kutimizia huduma ambayo Mungu amekupatia. Je n'aurai pas peut-être l'occasion toujours de venir devant cette chair pour prêcher. Kila siku sitapata muda ya kukuja kuhubiri madhabahu. Mais le poste que le Seigneur m'a confié, le travail qu'il m'a confié. Kazi ambayo Mungu amenipa. C'est en même temps un ministère que Dieu m'a donné. Inakuwa huduma Mungu amenipatia. Voyez un médecin qui est en train de faire des piqûres. Tizameni mganga anayetoboa mashindano. Il dit frère, même si je te pique là, mais c'est Dieu qui guérit. Anasema ndugu nikikupiga shindano leo kwamba ni Mungu ndio anapona tu. Alléluia. Amen. N'a-t-il pas passé le message de Dieu? Je, akuhubiri hapo. C'est pas moi qui te guéris, mais c'est Dieu. Si mimi. Prends seulement ça. Mais c'est Dieu en fait. Si mimi nakuponya, ni Mungu ndio atakuponya. Alléluia. Chukua tu. Non, nous le médecin, je n'ai rien contre, mais voilà, tout ça avec des voilà, nous les avocats, bon je suis avocat du reste, donc ne soyez pas offensés, c'est nous qui avons, nous les psychologues. Non, est-ce que ton cabinet, ton lieu de travail peut être un lieu où tu communiques les vertus de Dieu? Kiburi, achele kiburi ya kazi, kiburi ya cheo yako, je, nafasi ambapo unatumika, kuna mtukuza Mungu? Maman a parlé d'un aspect, il dit, parfois même si au bureau je ne peux pas saluer mon directeur, même ici à l'église il y a toujours cet écart là, DG, PDG. C'est vrai, il y a cette nature où nous devons nous respecter mutuellement, mais à partir du moment où j'ai mon poste de PDG, est-ce que quelqu'un il a peur de venir dans mon bureau où il se sent à l'aise, il se sent en sécurité, parce que je suis en train de le rassurer. Il y a des personnes avant d'arriver, d'entrer à ce poste, est-ce que je dois toquer? Donc tu es comme un lion là, donc pff. Frère, est-ce que si on voit la compassion, la justice, l'humilité, est-ce qu'on peut sentir que ça vaut la peine que tu sois celui qui protège les droits de tout le monde? Kuna watu wanakuwa hapa, wana macheo, wana ma office, uko watu wanawaogopa na hapa wanapenda wawaogope. Si nzuri. Est-ce que un frère, une sœur peut être dans ton entreprise, il dit, je vois ton intégrité, j'étais loin du Seigneur, mais à cause de ta fidélité, je pense que je peux revenir sur le droit chemin. Panaweza kuwa mtu hapa ambaye wanaona ndani ya kazi kwa ajili ya uaminifu wake, mtu anasema hapana, ninaokoka kwa ajili ya uaminifu wako ndani ya kazi. Alléluia. Amen. Si on devrait être ensemble pour signer juste une signature et faire passer de l'argent, mais tu dis, moi là, je ne peux pas. Kama mungelikuwa kwenye kazi kwa kutia saini kwa ajili ya kuiba pesa, wewe unasema mimi hapana sitaiba. Je vous dis, quelqu'un va aller réfléchir à la maison. Mtu atakwenda kuwaza kwa nyumba. Est-ce qu'à cause de ce tact là quelqu'un peut revenir si sa mauvaise décision? Kwa ajili ya tendo mtu anaweza kurudililia kuwaza mara pili kwa ajili ya mambo yake mabaya. Je suis un avocat, je suis un magistrat. Est-ce que je manipule mon travail pour opprimer davantage ou j'ai mais les gens à confiance. Niko mwana sheria, je, ninafanya kazi yangu vizuri na kupatia watu haki yao. Alléluia. Amen. J'ai mon entreprise, elle que quelqu'un peut revenir une fois, deux fois, parce qu'il dit, lui ou elle, ce qu'il vous dit, c'est ça la vérité. Nina kampuni yangu, mtu anaweza kukuja mara moja, mara pili, mara tatu, akisema, yale anayofanya na kusema, ni hiyo kweli. Ou soit, non, ce qu'il vous dit là, il faut vérifier. Ama anasema, ula kaongea, waza mara pili. Quel est l'impact chrétien? Ushawishi wa Kikristo ni gani ndani? J'aimerais qu'on se tienne debout et lisons un texte ensemble. Ningelitamani tusimame pamoja na kuweza kufanya usomi huu. L'impact chrétien. Lisez avec moi Job chapitre 29. Tutasoma Ayubu makumi mbili na tisa. J'aime ce texte. Ninapenda usomi hii. Cet homme, huyu mtu, il n'était pas pasteur à son temps. Hakukuwa mchungaji kwa nyakati zake. Cet homme, huyu mtu, n'était pas un prophète. Hakuwa nabii. C'est simplement un homme qui craignait Dieu. Alikuwa tu mtu wa kumogopa Mungu. Comme ce soir des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Kama jeu ni leo watu wanaomogopa Mungu hapa. Et cet homme a été élevé. Huyo mtu aliinuliwa. Dans sa dignité. Ndani ya heshima zake. Dans la gloire. Ndani ya utukufu. Et lisez avec moi à partir du verset 4. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient. Quand mes pieds se baignaient dans la crème, vraiment il avait la joie. Ses pieds étaient dans la crème. Franchement. Et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Ma foute na tiririka. Kutoka kukichwa ona kabisa na tiririka na takata kabisa neema ya Mungu. La grâce de Dieu. Alléluia. Il y a des gens quand il est là, tu sens que vraiment il a la vie. Kuna watu unamuona unasikia ana maisha. Que l'huile coule. Mafute na tiririka. Comme Job dit, j'ai baigné, j'ai trempé mes pieds dans le lait, dans la crème. Kama Yubo anasema niliweka miguu yangu ndani ya maziwa. Comme pour vous dire, c'est un homme qui a vécu l'élévation. Ni mtu ambaye aliishi kuinuliwa. Il a vécu la richesse. Aliishi utajiri. Les jeunes gens, verset 8, les jeunes gens, non, verset 7. Si je sortais ou quand je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Ouf! Respecté. La réussite dans la vie attire le respect. Kufaulu katika maisha inaleta kuheshimiwa. Tu dois être respecté à cause de la réussite et le succès inabidi que Dieu amène dans ta vie. Wakuheshimu kwa ajili ya ushindi uliopata maishani mwako. Alléluia. Amen. La réussite commande le respect. Ushindi unaleta kuheshimiwa. C'est pourquoi le peuple de Dieu, nous devons réussir. Ndio maana taifa la Bwana yatubidi kufaulu. Nous ne devons pas être la moquerie des hommes. Tusichekelewe na watu. Il y a un homme qui m'avait énervé. Kuna mtu alinisirikisha. Mungu anaenda kwa maombi juu mnakosa vya kufanya. Vous allez prier parce que vous manquez à faire. Nous ne sommes pas là parce que nous manquons quoi à faire. Atukua pa juu tunakosa kazi ya kufanya. Nous sommes simplement sur l'autel de Dieu. Tuko kwa madhabahu ya Mungu. Alléluia. Amen. Il y a des hommes et des femmes puissants dans cette salle. Kuna watu wenye nguvu mali hapa. Il y a le futur que Dieu est en train de préparer à travers cette génération. Kuna kesho Mungu akonandaa na nini. Et Job dit, les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur la bouche quand Job parlait. Wakati Yobu aliongea, cet homme de Dieu. Huyo mtu wa Mungu. Ah, j'aimerais qu'il y ait des hommes et des femmes lorsqu'ils se lèvent pour parler, on respecte leurs paroles. Watu ambao wanaposimama na kuongea neno lao. Parce que leur parole est le reflet de leur réussite. Maana neno yao inaonesha ushindi wao. Ils ne parlent pas pour parler. Aongee juu ya kuongea. Ils vivent le succès de Dieu. Anaishi ushindi wa Mungu. Il est baigné dans le succès de Dieu. Amebarikiwa katika ushindi wa Mungu. Lorsqu'il approche. Wakati anakaribia. Lorsqu'elle approche. Wakati anakaribia. Il ou elle est respecté. Anaheshimika. Et les princes mettaient la main sur la bouche. Na wafalme waliweka mkono kwenye vinywa vyao. La voix des chefs se taisait. Njia za sauti ya wenye mamlaka walisimama. Et leur langue s'attachait à leur palais. Vinywa vyao, ulimi wao ulibaki ndani ya kinywa. C'est comme si mtu anashangala ni akili ya yeye, ni maneno ya yeye. Frère, c'est là que nous devons arriver. Le christianisme n'est pas comme un échappatoire tu qui afficha mapana. Ça tunatoka au mtu tunaheshimika kule nje. Yatubidi tuheshimike. Alléluia. Amen. Ha. L'oreille qui m'attendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Kuna watu watakuona wasema ndio Mungu amemtendea neema. Il y a des gens qui te verront et qui diront Dieu lui a fait grâce. Les yeux doivent témoigner de la grandeur de Dieu. Mecho itachudia ukubwa wa Mungu. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Voyez un peu l'impact maintenant. Toute la richesse que Dieu m'a donnée, toute l'élévation que j'étais un secours pour un opprimé. Nilikuwa faida msaada kwa wanaoteseka. Alléluia. Amen. Je sauvais le pauvre qui implorait le secours Il y a beaucoup de personnes sans secours dans notre génération. Ils attendent toi et moi. Ton argent fait quoi? Tes voyages font quoi? Les avions que tu as, est-ce que ça apporte un secours à un opprimé? Kuna wengi wako wanateseka, wanakuchunga wewe. Pesa yako na mali yako inafanya nini? J'étais le secours de l'orphelin qui manquait d'appui. Et la bénédiction du malheureux venait sur moi. Alléluia. Je n'étais qu'un canal par lequel la bénédiction coulait vers sa destination. Il faut que ta vie devienne un canal par lequel la bénédiction de Dieu atteint des milliers d'hommes et de femmes. Alléluia. Je suis un canal de bénédiction. Tu es un canal de bénédiction. Ton travail, c'est un canal par lequel Dieu va arroser ta génération. Mimi na wewe tuko manjia za baraka ili kwamba zifikililie taifa. Ah, je suis béni par cette parole. La bénédiction du malheureux venait sur moi et je remplissais de joie le cœur de la veuve. Nilikuwa nikijaza furaha moyo wa mujane. Dans la Bible, la veuve, ce n'est pas forcément la personne qui a perdu son mari. Katika Biblia mujane si yule aliyepoteza mume. Ça symbolise la personne qui est dans un état de faiblesse. Inemaanisha mtu aliye katika hali mbovu. Qui a besoin d'un appui. Mtu ambaye anahitaji msaada. Qui a besoin d'un secours. Anahitaji kusaidiwa. Toi et moi, nous sommes le secours de plusieurs. Wewe nami ni msaada kwa wengi. Qui attend de la consolation. Wanachunga que Dieu te donne cette onction au nom de Jésus. Hebo Mungu que la rosée du ciel descende sur ta tête. Et que ta main soit bénie. Que ta vie devienne un canal par lequel la rosée du ciel coule et atteigne à rose notre génération. Maisha yako iwe njia ambapo umande wa Bwana unapitia kwa kuweza kugusa watu. Au verset 14, je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. Et j'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Il dit, je portais la justice. Où sont les hommes et les femmes justes? Watu wenye haki wako wapi hapa? Où sont les hommes et les femmes dans les entreprises qui sont justes? Ndani ya makampuni watu wenye haki wako wapi? Lorsque le financement arrive, tu chasses un frère à côté parce que le cousin doit venir. Où est la justice? Wakati pesa zinafika unafukuza ndugu mwenye kutumika vizuri, unaleta ndugu yako. Il dit j'étais l'œil de l'aveugle. Nilikuwa jicho la kipofu. Et le pied du boiteux. Na miguu ya kiwete. Que Dieu te donne les yeux qui voient ce que nous ne pouvons pas voir. Mungu akupatie macho ya kuona ile ambayo sisi hatuoni. Que Dieu te donne le pied courageux affermi qui marche. Il y a toujours quelqu'un qui doit marcher devant et nous devons suivre. Il y a des portes qui doivent être ouvertes et c'est toi qui dois les ouvrir. Et nous viendrons, nous célébrerons le Seigneur avec toi. Lorsque tout le monde est corrompu dans son secteur, je peux dire non, moi je vais faire la différence. Il dit, j'étais le père des misérables, le verset 16. Et j'examinais la cause de l'inconnu. Que Dieu ouvre ces choses dans votre esprit. Mungu afungue mambo hayo katika roho yako. J'aime la suite. Je brisais la mâchoire de l'injuste. Quelqu'un doit se lever pour piétiner ce qui entretient l'injustice. Mtu asimame na kuvunja na kukanyaga yote inayotia kukosa haki. Je brisais la mâchoire de l'injuste. Et j'arrachais de ses dents la proie. Dieu va t'équiper. Il va te donner le cœur, le courage. Pour aller arracher la proie entre les mains de l'injuste. Mungu atakupa mamlaka ya kunyang'anya mkate kwa kinywa cha mtu asiyekuwa na haki. Alléluia. On va peut-être continuer avec ce passage et après allons au verset 20 peut-être. Ma gloire reverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. Oh, m'écoutez et le restez dans la tente. On gardait le silence devant mes conseils. Aïe, comme maneno akusema sema tu, wakati mtoto wa Mungu anasema ni hekima. Lorsqu'un enfant de Dieu parle, c'est la sagesse qui coule. Alléluia. Un professionnel chrétien, il ne fait pas les choses par hasard, il t'attend. Non, quand on sent la touche d'un enfant de Dieu. Wakati comme Christ unafanya kazi, unapofanya watu wasikie na kuelewa kwamba ni mtu wa Mungu huyo. Je vous ai dit un jour, nous pouvons dans une conférence. Tulikuwa ndani ya mkongamano moja. Je dis, nous pouvons être dans une conférence. Tunaweza kuwa katika kongamano moja. Nous allons utiliser les mêmes mots. Tatumia maneno moja. Les mêmes phrases. Mais les phrases et mes mots sont prises en charge par l'Esprit de Dieu. Lakini mambo unayosema inasapotiwa na roho wa Mungu. Et il sonne différemment de ce que même je dis. Na inakuwa zaidi ya ile mimi nasema. Et c'est à cela que Dieu nous destine. Na ni kwa hiyo ndio Mungu anatuita. On m'écoutait, on restait dans l'attente. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va dire encore? Qu'est-ce qu'il va dire encore? Watu walikuwa na hamu ya kusikia nini tena nataka sema. J'aimerais que lorsque les archois se lèvent pour parler. Wakati wa archois wataanza kusimama kwa kuongea. Où que tu sois. dans cette ville, dans des conférences, dans les entreprises, dans les avions, que ta parole soit respectée et que tes décisions soient dictées par la parole de sagesse que tu as donnée. Après mes discours, vous avez vu ça? Après mes discours, nul ne répliquait. Ushamaliza maneno yote, sagesse ya Mungu kopale. Ulisha sema hekima ya Bwana iko. Alléluia. Amen. Et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Kiu ya neno ya mtoto ya Mungu. Sema tena, tunafurahi. C'est ça l'impact chrétien. On a besoin de toi. On veut que tu restes. On veut que tu parles. Parce que tu changes, tu édifies, tu bénis. Ni hii ushawishi ya mtoto wa Mungu maana unasema unafanya mambo watu wana haja yako wanahitaji tena uzidishe uendelee. Alors à la fin dit il comptait sur moi comme sur la pluie. Walinitumainia kama vile wanikutumainia mvua. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Walifungua vinywa vyao kama vile mvua ya nyakati nzito. Alléluia. Nous avons un destin. Chantons avec Dieu libre de nos chaînes, nous marchons vers le Seigneur. Pour proclamer sa gloire. Libre de nos chaînes, nous. Il y a une bonne prière que tu dois faire ce soir. Toi, ta main souveraine, ta main souveraine. J'aimerais qu'on lève nos mains vers le Seigneur. Tu n'y as jamais. Génération, invoque le Seigneur, demande la faveur de Dieu. Anza kwa likanema ya Bwana, tumeitwa kwa ajili ya ushindi.